que c'est comme ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, pas de gens découragés. Seus amigos, porque la pluie est pas du même.